20e chapitre, l'idole brisée. Le fumoir s'ouvrant sur l'atelier de Bénédicte Fougeret présentait l'aspect le plus animé. Une dizaine de jeunes gens qu'un déjeuner plantureux arrosé de champagne avait animé d'une double verve, faite de jeunesse et de gaieté, fêtaient l'envoi au salon du modèle de La Fontaine, commandé par le gouvernement aux jeunes sculpteurs et représentant Hylas et les nymphes. Si la louange des amis de Bénédicte empruntait une forme dont l'enthousiasme touchait à l'exagération, il faut cependant convenir que l'œuvre du statuaire méritait de grands éloges. Tels que se trouvaient placés les jeunes gens de la baie du fumoir garnie de lourdes portières, ils voyaient se détacher sur fond de velours rouge le groupe magistralement tiré d'un bloc de Carrare. Rien ne manquait à cette œuvre, classique par la beauté des lignes, moderne par cette recherche de la forme dont Coisevox avait rêvé la grâce et dont Clodion révéla le secret. Certes, il fallait presque du génie pour avoir poli ce marbre vivant, pur et jeune, et celui qui venait de créer cette œuvre pouvait se dire « ma place est faite ». Oui, faites au milieu de ceux qui trouvent le succès bon de quelque part qu'ils viennent, mais si changé que fût Bénédicte Fougeret, il ne le savourait point sans remords. À quelques pas du groupe d'Hylas, une statue de terre glaise, s'effritant sous le doigt, prête à tomber en poussière, formait un singulier contraste. Inachevée, voilée de toile grise, elle appelait cependant de temps en temps un regard de l'artiste. C'était le projet d'une sainte Cécile, commencée d'après un souvenir. « Vois-tu, mon bon, dit un peintre en désignant la fontaine de marbre, vois-tu comme tu as eu raison de suivre nos conseils? Sans ce fameux souper pendant lequel tu te convertis à la mythologie, tu retournais au Moyen-Âge, ma parole d'honneur. Là, tu restais un imagier, voilà tout. » Tandis que je ne sais pas trop qui l'on pourrait opposer désormais parmi les jeunes. Carpeau a souvent trop d'emportement. Dubois touche à la fêterie. Avant 2 ans, tu seras à la tête de la nouvelle école. Et quel succès à l'exposition ! Ajouta un autre. Te souviens-tu que l'on donna la grande médaille à Iole pour son Orion, une figure classique ? C'est bien le moins que tu l'obtiennes du premier coup. Quant à moi, ajouta un critique de beaux-arts, le commencement de ma série d'articles sur le salon 1873 est fait, et je proclame hardiment Hylas et les nymphes l'œuvre capitale de l'année. Dans mes promenades à travers les ateliers de Paris, je n'ai rien vu qui approchât de ce morceau. « C'est la gloire, Bénédicte !» ajouta le poète Gilda. « C'est le bonheur !» conclut un romancier. « À la santé de Bénédicte, à Hylas, à la grande médaille !»« Merci, merci !» dit Bénédicte avec une joie expansive. Vous me rassurez, on doute toujours de soi la veille d'une bataille. Tandis que l'on travaille, la fièvre de la production soutient. L'œuvre terminée, on le juge. Ce sera le plus beau succès que nous ayons eu depuis 10 ans, s'écria le peintre. On ne l'appellera que le triomphe de Bénédicte. Si on lui tressait une couronne, demanda Gilda. Oui, oui, une couronne! 2 des jeunes fous s'élancèrent dans le jardin et cueillirent les branches de fleurs que le plus leste déposa dans les bras des nymphes. Un hourra général, une dernière libation de champagne, saluèrent cette offrande. Mais, quoiqu'il tâchât de se mettre à l'unisson de ses amis, Bénédicte gardait une ombre sur le front. Il en rougissait, il s'en irritait. Il tentait de secouer, au vent joyeux du rire, ce lambeau de voile de deuil dont s'enveloppait son cœur. Il ne pouvait pas. Il croyait à son succès, cependant. Ses amis ne le flattaient point en le lui prédisant. Mais quand il regardait ces nymphes souriantes, il lui semblait que le sourire flottant sur leurs lèvres raillait la blessure qu'il portait au fond de son âme. « Bénédicte ! Demanda un aquafortiste. « Veux-tu venir demain à la conciergerie ?»« Quoi faire ? Je connais le cachot de Marie-Antoinette, la chapelle. »« Ah, visiter un criminel, tout simplement. »« Qui donc ?»« Mais un gredin d'une jolie force, Marc Mauduit, le complice de ce Jean Machu qui eut la loyauté d'avouer son crime avant de mourir. »« Et de sauver ce malheureux Xavier Pomereul, ajouta Gilda. Un journal illustré m'a demandé le portrait de cet aimable joli garçon affilié à la bande des casquettes noires. Ma parole d'honneur, je crois l'avoir tutoyé aux bouffes un soir que j'étais un peu trop gai. Où allons-nous, bon Dieu, si les employés des ministères les plus graves, les secrétaires les plus avenants, sont tous prêts à se glisser dans notre intimité pour faire à la fois le mouchoir, l'amitié et la montre? On dit qu'il garde un imperturbable sang-froid dans sa prison et que c'est un type fort curieux. Dites donc, Paul, demanda un romancier, si vous n'emmenez pas Bénédicte, prenez-moi à sa place. Je cherche une figure pour mon prochain roman et celle-là me semble tout à fait réussie. Et parbleu, mon cher, la chose la plus simple est de classer les notes et documents de Marc Mauduit, d'en faire un gros volume intitulé « Mémoire de fleur d'échafaud » et vous en vendrez 50 000 exemplaires. Sans compter, ajouta Gilda, que vous n'aurez pas besoin de vous mettre en frais d'imagination. Le drame est tout fait. Comment cela ? Il paraît, ajouta le poète, que fleur d'échafaud appartient à une excellente famille. Enlevée à sa mère par une sorte de caliban femelle qui vengeait la mort de sa sœur, cette mégère a jeté d'abord le petit Marc dans la baraque d'un saltimbanque. Puis, par-dessus cette éducation de gymnase sur la corde à coups de trique, on l'a fait frotter de latin et de grec pour le rendre méconnaissable. Quand il eut fait peau neuve, il se lança, comme vous savez, et finira comme vous pouvez le prévoir. La naine a tout avoué, dit-on, aux parents de ce misérable. Et voilà ce qui m'explique la tentative d'évasion de Fleur d'Échafaud, reprit le peintre. Sa famille a fourni de l'argent, son habileté de saltimbanque a fait le reste. S'il ne s'était pas foulé le pied en franchissant le mur d'enceinte, il filait pour l'Amérique. Quand je vous disais que le drame est complet. Tiens, tiens, il faut que je parle de tout ceci à mon éditeur, dit le romancier. Voilà 20 000 francs à gagner dans une quinzaine. Viendras-tu, Bénédicte ? Demanda la coiffortiste. Non, non, répondit celui-ci en tressaillant. Gilda se pencha vers le dessinateur. Ne parlez jamais de la famille Pomereul devant Fougeret, dit-il. Le nuage de tristesse qui couvrait le visage de Bénédicte venait de s'assombrir davantage. Le jeune homme comprit qu'il allait devenir un hôte maussade, et par un effort de sa volonté, il se leva, remplit de champagne les coupes de cristal rose, et dit à haute voix. « Faites-moi raison, mes amis. Une dernière fois, buvons à l'avenir, à la joie, à la gloire, au bonheur, à tout ce qui fait oublier, à tout ce qui fait vivre. » Et Bénédicte vida son verre. En ce moment, un jeune homme franchit le seuil de l'atelier. Il s'arrêta, surpris, presque interdit, avant d'entrer dans le fumoir. Mais le sculpteur l'avait reconnu et, d'un mouvement plein d'élan, il lui saisit les deux mains. « Toi ? » dit-il. « Toi, Xavier ?» Les camarades du sculpteur, qui pour la plupart connaissaient Pomereul, le saluèrent amicalement. Ils l'avaient rencontré jadis partout où se rend la jeunesse élégante, au bois, au théâtre, au cercle. Ce fut alors une série de questions se croisant en tous sens et auxquelles il devenait difficile de répondre à la fois. « Qu'êtes-vous devenu ? On ne vous voit nulle part. Faites-vous encore courir ? Arrivez-vous de voyage ? Mon Dieu, mon Dieu ! Répondit Xavier, procédons par ordre. Il y a un peu de vérité dans tout ce que vous venez de dire, et cependant, vous allez être bien surpris. Ah, tant mieux ! Fit le journaliste. Rien ne me surprend plus, et ça m'anime. Vous allez me rendre un peu de nerfs. D'abord, mes amis, dit Xavier, j'ai payé mes dettes. Payez vos dettes ? Dit le peintre. Êtes-vous sûr d'avoir votre raison ? « Moi, je comprends, » dit la coiffortiste. « Il a soldé ses créanciers pour bâtir son bilan futur sur les bases solides de la confiance. »« Eh bien, vous n'y êtes pas, » dit Xavier en secouant la tête. « Alors, expliquez-vous. J'ai payé mes dettes pour ne rien devoir aux honnêtes gens qui avaient confié leurs marchandises à ma bonne foi. Et ce qui va bien plus vous étonner, c'est qu'après avoir tout liquidé, ameublement, chevaux, voitures, bijoux, je me suis trouvé avec un capital de 30 000 francs. Et la succession de votre père, en comprenant ma part de la succession paternelle, ah, l'on va vite dans le petit chemin couvert de fleurs qui s'appelle la vie parisienne. On achète au hasard, on copie les princes de passage, on se lance à fond de train dans les excentricités coûteuses. Puis un matin, la débâcle, finissant ou par sa propre ruine ou par la banqueroute des fournisseurs. J'ai préféré me ruiner. Mais les 30 000 francs, qu'en auriez-vous fait ? Demanda Xavier au journaliste. Moi, je repris le chemin de fer et je serais allé les jouer à Monaco. Et vous, jeune aquafortiste, je me serais repris pendant 6 mois à la ville autrefois. Et après ? Demanda Xavier. Après ? Eh bien, après, je me serais fait chasseur d'Afrique. Je n'ai eu ni l'une ni l'autre de ces idées, reprit Xavier. Ayant 30 000 francs de capital, j'ai prétendu vivre de mes rentes. Avec 1 500 francs par an, je ne me suis pas interdit le travail. Mais tu ne sais rien faire, Xavier. Je ne savais pas, j'ai appris. Quoi donc ? La tenue des livres, et je tiens la caisse de mon usine. La bonne plaisanterie, dirent en chœur les jeunes gens. Crois-tu que je plaisante, toi ? Demanda Xavier à Bénédicte. Non, répondit celui-ci d'une voix émue. Voyez-vous, reprit Xavier avec une sorte de bohémie à laquelle se mêlait un peu d'humeur, nous avons l'habitude de dire de nous et des autres, pendant que nous semons l'argent à tort et à travers, que nous menons joyeuse vie. C'est faux, archi faux. Vrai, nous ne faisons pas nos frais de gaieté. On nous vend de la cuisine frelatée au piment et au curry. On nous verse du vin qui engendre les gastralgies, dont les médecins vivent à nos dépens. Nos chevaux n'arrivent pas toujours les premiers. Les cartes nous sont infidèles. Nous passons les nuits à dire des choses idiotes ou à remuer de petits cartons. Les joailliers se moquent de nous. À 30 ans, nous n'avons plus ni fortune, ni cheveux, ni illusions. Il nous reste la chance de faire une fin. C'est-à-dire nous marier, nous, vieillis, désenchantés, à une honnête jeune fille que nous ne pouvons comprendre et qui nous mépriserait si nous lui racontions notre vie. Et encore, cette prétendue fin est tout simplement un moyen de ressusciter sur le turf, dans les avant-scènes et au baccarat. Au bout d'un an, on néglige sa compagne, et il y a dans le monde une femme malheureuse de plus. Eh bien, j'ai agi, moi, à la façon des sauvages de certaines parties de l'Océanie. Ils ont des idoles pour lesquelles nul sacrifice ne leur semble trop cher. On lui immole tout. On la comble de présents tout en élevant vers elle des yeux empressés. Mais si par hasard l'idole ne remplit pas les souhaits de son adorateur, si elle reçoit l'encens sans le payer en plaisir, en gloire guerrière, en bonheur intime, le sauvage l'arrache de son autel, la couvre de crachats et d'insultes, la foule aux pieds et finit par la jeter dans un brasier ou la précipiter dans la mer. J'ai fait comme eux. Les idoles m'ont trompé, j'ai raillé et brisé mes idoles. Et tu te trouves heureux ? Demanda Bénédicte. Complètement ! J'ai reconquis le sommeil, la santé, la bonne humeur. Je m'intéresse à une foule de choses dont je ne soupçonnais pas la valeur. Je vivais jadis en fils de famille inutile, et maintenant je suis bon à quelque chose. Et qui a opéré ce miracle ? Mon frère, répondit gravement Xavier. Puis une jeune fille. Une jeune fille ? Je ne vous ai pas confié tout ce que j'ai à vous dire. Je me marie. Avec une héritière ? Avec une orpheline pauvre. Je n'ai rien, elle ne me le reprochera pas. Elle s'appelle ? D'un nom obscur. Louise Dubois. Vous ne la connaissez point. Elle avait pour père un saint homme qui fut 40 ans notre caissier. Le sculpteur serra la main de Pomerol. Les jeunes gens comprirent que le déjeuner si gai, la causerie si folle, allait faire place à un entretien grave, et ils prirent congé de Bénédicte, dont le cœur battait bien fort en se retrouvant seul avec Xavier. Ces deux jeunes gens ne s'étaient pas revus depuis 2 années. Pendant la guerre, Bénédicte s'était battue. Lorsque la paix nous fut rendue et que l'aveu de Jean Machu rendit l'honneur et la liberté à Xavier, Sabine supplia son frère de ne pas revoir Bénédicte. Ce nom lui causait toujours au cœur une sourde souffrance. Elle savait qu'il avait tenté d'oublier, que le talent si pur dont elle était fière avait changé de voie. Les journaux lui apprenaient le futur succès de son fiancé. Et désormais, entre eux, s'était creusé un abîme. Trop affectueuse pour ne pas souffrir beaucoup, trop courageuse pour ne point lutter contre cette douleur, elle s'était efforcée de la cacher à tous. Mais Xavier ne fut pas dupe de la feinte tranquillité de Sabine, et, en dépit des recommandations de sa sœur, de ses promesses, il voulut savoir si, de son côté, le sculpteur ne cachait pas une secrète blessure au fond de son cœur. Le premier regard, le premier mot du jeune homme le lui apprirent. La façon dont il lui prit les mains, l'élan avec lequel il lui cria « Toi !» suffirent pour prouver à Xavier que le souvenir de Sabine survivait à ses défaillances. À peine les amis du sculpteur se furent-ils éloignés que Bénédicte demanda d'une voix émue « Pourquoi avoir tant tardé ? Je te savais occupé, heureux, » dit Pomerol. « Heureux, » répéta Bénédicte en secouant la tête. « Demain s'ouvre le salon. Demain tu exposes ta grande œuvre au regard du jury et d'avance on applaudit à ton succès. Serais-je donc le seul à ne pas voir en détail cette merveille de l'art moderne ?» Bénédicte étendit le bras vers le groupe de marbre. « Va la voir, » dit-il. Et tandis que Xavier examinait la fontaine, le sculpteur resta assis sur un divan, la tête plongée dans ses mains. Xavier demeura longtemps devant l'œuvre de son ami. Quand il reprit sa place à côté de Bénédicte, il se contenta de dire « C'est fort beau, en vérité, fort beau. » Mais il le dit sans enthousiasme, et l'accablement de sa pensée se trahissait dans le son de sa voix. « Ne mens pas, » lui dit Bénédicte d'un accent troublé. « J'ai besoin d'apprendre de ta bouche une vérité terrible, mortelle peut-être, mais je veux la savoir quand même. Dut-elle achever de me briser l'âme ? Sabine ne m'aime plus. Sabine a renoncé à toi, du moins. Elle ne m'a jamais aimé, » dit Bénédicte avec explosion. « Elle m'a sacrifié à tout, à ses rêves, à son orgueil surtout. Je ne te comprends pas, » dit Xavier. « N'était-ce point l'orgueil qui l'a poussé à rompre les projets formés par son père ? Que lui demandais-je à l'heure où le malheur et le deuil l'écrasaient, sinon de se montrer loyal et de tenir son serment ? Lui reprocherais-tu l'excès de sa générosité ? Oui, répondit Bénédicte avec éclat. Elle n'avait pas le droit de pleurer seule. Elle ne devait pas te déshonorer. Elle l'a fait pis, elle m'a perdu. Perdu quand demain tu seras célèbre. Célèbre, célèbre ! À toi comme les autres, vous n'aurez donc que ce mot sur les lèvres. Et qu'en ferai-je de cette célébrité ? À qui offrir cette gloire ? Verrai-je un front se colorer de joie à la pensée de mon triomphe ? Non, non, j'ai travaillé, et l'on affirme que j'ai réussi, mais j'ai travaillé avec douleur, avec une sorte de rage. J'ai voulu de la gloire pour me venger, et je la ramasse n'importe où. Crois-tu que je m'absolve, Xavier ? Non pas. Demain, cette statue ne sera plus à moi. Dans 6 mois, elle attirera en plein soleil la foule curieuse. Et cette œuvre malsaine m'aura fait riche sans réussir à me faire heureux. Ah, la gloire pure et chaste que je demandais jadis pour l'offrir à Sabine, les pures couronnes décernées, non pas à la déesse païenne, mais à quelque divine madone. Où sont-elles ? C'est fini. J'ai voulu ce qui est, et je ne puis plus reculer. Bénédicte se leva, et arrachant la toile enveloppant la statue de la sainte Cécile, « Regarde cette terre, » dit-il. Cela eût été digne de moi et d'elle. J'ai vu Sabine aussi belle que cette sainte Cécile le soir où elle chanta « L'eau Jésus » de Haydn, qu'elle ne me dira plus jamais, jamais. » L'émotion étrangla les mots dans la gorge du sculpteur. Il essaya de lutter, de se roidir, ce fut en vain. Les sanglots le gagnèrent, et il se jeta dans les bras de Xavier en s'écriant « Mon frère, mon frère !» Le jeune homme avait lui-même les larmes aux yeux. « Je te comprends bien, » dit-il. « J'ai été trop faible pour garder le droit de te blâmer. Ici, la sainte, à côté l'idole, et c'est au pied de l'idole que tu t'es prosterné. »« Xavier, » demanda Bénédicte avec l'exaltation de la douleur, « rien ne saurait donc fléchir Sabine, ni promesse, ni repentir, rien ? » ?»« Peut-elle entrer ici ?» demanda Pomerol en désignant les groupes, les statuettes peuplant l'atelier. « Non, non, je le sais, mais si je purifiais le sanctuaire où elle avait promis de vivre... Si je chassais l'idole du temple, si je la brisais du même marteau qui la tira du néant, Sabine reviendrait-elle ? Que vas-tu faire ? S'écria Xavier, épouvanté, en voyant que son ami venait de saisir un lourd maillet. J'attends, dit Bénédicte, périsse ma fausse gloire, et que le succès de demain soit anéanti, s'il faut l'acheter au prix de tant de souffrances et de remords. Mais cette œuvre est une œuvre de génie, dit Xavier. Tu regretterais l'exaltation d'une heure. Tu ne me pardonnerais pas. Et Sabine, reviendrait-elle ? Demanda une dernière fois Bénédicte. Oui, répondit Xavier Pomerol. Alors, un fracas horrible retentit dans l'atelier. Le marteau de Bénédicte frappait le groupe dont la veille encore il attendait tant de gloire et de joie. Le jeune Hylas, les nymphes, volaient en éclats, en présence de Xavier consterné, se demandant si Bénédicte cédait à un accès de folie ou seulement à l'impérieuse voix de sa conscience. Quelques minutes après, il ne restait plus de la fontaine de marbre de Carrare que des débris informes jonchant le sol de l'atelier. Et à côté des éclats de marbre, des restes mutilés de cette œuvre superbe, Bénédicte tomba foudroyée à son tour. Xavier courut chercher Beppo. On coucha le sculpteur sur le divan du fumoir. Puis Pomerol, ayant abaissé les rideaux qui séparaient le reste de l'atelier, jeté la brassée de fleurs offerte d'abord à Aphrodite aux pieds de la sainte Cécile, sortit ensuite de la maison numéro 11 du boulevard de Clichy, sauta dans une voiture de place et jeta une adresse au cocher. « Crève tes chevaux !» dit-il. « Je les paie !» La voiture roula comme un orage. Xavier monta à l'appartement de sa sœur, prit un voile de dentelle espagnole, l'entortilla de ses plis, lui saisit le bras sous le sien et l'entraîna. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Viens !» répondit-il d'une voix impérieuse et tendre à la fois. Elle ne chercha pas à voir par quelle rue passait la voiture. Son cœur battait et pourtant elle ne questionnait pas. Lorsque le cocher s'arrêta boulevard de Clichy, lorsque Sabine, en pénétrant dans la cour, reconnut à la disposition de la maison qu'elle était spécialement occupée par des artistes, elle se troubla. Alors serrant craintivement la main de Xavier, « Où me mènes-tu » demanda-t-elle encore. « Viens !» répéta-t-il en l'entraînant plus vite. La porte de l'atelier était restée entr'ouverte. Xavier la poussa sans bruit et Sabine comprit enfin qu'elle se trouvait chez Bénédicte Fougeret. Alors, elle voulut s'enfuir. « Reste !» lui dit Xavier. « Ce ne serait plus orgueil, mais trahison. Vertu, mais parjure. » Puis, relevant un débris de la fontaine, une ravissante tête d'enfant modelée avec un art exquis et qui aurait suffi pour créer un avenir à Fougeret, « Ceci, lui dit-il, faisait partie d'un chef-d'œuvre que tes regards ne pouvaient rencontrer. « Ah !» fit Sabine, dont le visage rayonna. « Et maintenant, poursuivit le jeune homme, en ouvrant l'orgue placé dans l'atelier, « Assieds-toi là, Sabine, et chante. »« Chanter, moi ?» « L'eau Jésus de Hayden !»« Ah, frère, frère » dit-elle en suspendant ses deux bras au cou de Xavier. « Je comprends !» Sabine prit place sur le tabouret et, d'une voix que l'émotion rendait plus pénétrante encore, elle commença le chant dont le souvenir était si bien resté dans la mémoire de Bénédicte. Tandis que l'accent ému de Sabine remplissait l'atelier sonore, le sculpteur que le jeune Beppo entourait de soins aussi intelligents qu'affectueux reprenait avec lenteur le sentiment de la vie. Les notes du motif exercèrent sur lui une influence étrange. Il semblait se demander de quelle hauteur céleste ce chant descendait sur la terre. De grosses larmes coulaient sur ses joues, sans effort, sans souffrance, et, les mains jointes, il murmura « Sainte Cécile !» Puis, faible, trébuchant, s'appuyant à la muraille, il gagna la baie du fumoir devant laquelle étaient retombées les portières, et, pâle comme Lazare, échappant à son sépulcre, il s'approcha, se pencha, regarda. Alors il tendit les bras en murmurant « Sabine !» Xavier le reçut sur sa poitrine. « Tu vois, » dit-il, « l'idole renversée, la sainte est revenue. » Sabine n'acheva point l'air commencé. Le trouble, la joie, menaçaient d'avoir sur le sculpteur encore si faible une influence terrible. Mais la joie finit par triompher de tous les autres sentiments qui l'oppressaient, et quand Bénédicte serra la main de Sabine, il semblait ressuscité. « Me la donnez-vous ? » lui dit-il. Sabine rougit en détournant la tête. « Vous la demanderez à Sulpice. » « Non seulement je n'ai plus rien, » reprit Bénédicte, « mais les morceaux de marbre que vous voyez là m'ont ruiné. » Sabine regarda Bénédicte avec un sourire. « Frère, » dit-elle en se tournant vers Xavier, « dans quel mois épouses-tu Louise ?»« Pourquoi cette question ?» demanda le jeune homme. « C'est que, il me semble, on pourrait ne faire qu'une cérémonie, et Sulpice nous bénirait tous deux le même jour. » Trois mois plus tard, dans la chapelle particulière de la fabrique de Charenton, un jeune prêtre, dont le front était traversé d'une large cicatrice, célébrait une messe de mariage et bénissait les anneaux de deux jeunes couples. tous les ouvriers endimanchés, rayonnant de joie, se pressaient dans le sanctuaire, et quand les nouvelles mariées sortirent de l'église, deux jeunes filles leur offrirent de merveilleux bouquets blancs. Les mains se serraient, les yeux étaient humides. Le discours de l'abbé Sulpice avait arraché des larmes. On ne comprenait pas bien pourquoi il avait pris pour texte de son discours un passage de l'Écriture relatif aux idoles, à qui l'homme sacrifie trop souvent son âme. Mais le généreux prêtre avait si bien fait rayonner les saintes joies du sacrifice, l'efficacité du repentir offert au pied de la croix, les mystères du martyr enduré pour le devoir, que tous les cœurs vibrèrent de son émotion. Au moment où les nouveaux époux quittaient la cour de la fabrique, la voix nasillarde de Pomme d'Api, qui tenait à la main un paquet de gravures grossièrement enluminées, cria « Achetez la complainte de Fleur d'échafaud et les dernières paroles prononcées par le misérable, 10 centimes, 2 sous !»